sacré louverou. Savez vraiment faire 10 ans qu'à la cause d'aller un jour à Dijon pour les grandes foires gastronomiques. Seulement, ils ont loin de soyeux. Peu à faut prendre l'autobus de bonne heure le matin. Ben, ce qu'on quitte, les germaines et peu le brave petit Ogiot sont décidés. Malgré nos âges bien avancés, oh, environ 150 ans et deux, tout au prend pour le départ. Germaine, ma te vas-tu dépoacher? Le bus de Dijon ne veut pas nous attendre. Mais espèce de vieux grigou, y'a toi que nos pas pro. Enfin, un petit moment après, livre les chertés dans l'autobus. Et 2 heures plus tard, voit qu'il guillot pour les germaines qui arrivent à les grandes foires gastronomiques de Dijon. Oh, Guillaude, ne me lâche pas. Ah, y a tellement de monde ici qu'on se perd de Robin. Toutes les 7 journées, à son train volé dans les foires. Alors, mais j'ai des tas de petites gâteries, peu bu des canots de bon vin. Seulement, à 10 heures du soir, on n'a pas vu qu'un fionneux. Et peu le bus de Soyeux est reparti déjà d'être peu 2 heures. Si bien que les 2 petits vieux ont dû aller coucher dans un hôtel. C'est presque un voyage de noces. Le guillaume, à l'arrivée, pas fromé le yo. Aviro dans le lit, comme une girouette, un jour de grand vent. Allez au chaud. Germaine, yesoué. Ma yesoué, Germaine. Moi, je vais donc voir si tu ne me trouves pas pour les un petit verre d'air. Les braves germaines qui étaient fatiguées, allaient voir qui partit en pas de chemise dans le couloir de l'hôtel. Elle revint au bout de 3 minutes, puis devant un joli verre d'air les mains. Tain, vieille charogne, bois donc, un peu de meringue pue, parce qu'il se lasse. Il voudra bien dormir, tu sais. Le laser, elle vole d'un coup là, puis a dit « Oh, quelle eau bonne ton air! Oh, quelle eau bonne, mes germaines! Il y a encore un chaussouet! Retourne donc voir si tu ne m'en trouveras pas encore un verre! » Les braves germaines repèrent aussitôt, mais elle revint bien vite dans la chambre, le verre qu'elle tint les mains au vide. Elle regarde son pauvre vieux, puis elle lui fait « Guillaude! » Écoute voir, Guillaude, le petit opoué, ou qui est pris là tout à l'heure. Ben, il y a un monsieur, un gros monsieur, allons chercher sur les marjales.